La matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de 18h, bonjour nancéen, nancéenne, très heureux de renouveler l'expérience de la matinale de 18h. Oui, la direction a validé une deuxième émission. Pour ce faire, on a évincé un chroniqueur. Le maillon faible. Voilà, il dort encore. Pour ainsi dire. Bonjour James déjà. Salut Tristan, salut à tous, ça va très bien. Je me suis réveillé, j'ai réussi. Voilà, il est 18h et j'ai réussi. Et ça, c'est fort. C'est fort. Et donc, on a remplacé Jocelyn par... Romain. Romain, salut Romain, tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Romain, je suis stagiaire ici. Voilà. En 3 semaines et je vais remplacer Jocelyn qui dort. Et c'est ça qui est formidable, et ça j'adore. Et il n'est pas là sous la contrainte, il faut non. le dire, d'accord ? Oui, il est libre de partir. Pas du tout. Oh là là, oui, si t'as envie de partir, tu t'en vas. Hein. Rappelle-moi ton prénom. Et Romain. Romain, mais oui, t'arrêtes pas de le dire en plus. Bon, on passe tout de suite au journal, puisqu'on a une matinale à faire. Il est 18h passé de quelques minutes, c'est le journal présenté par Bibi et James. On commence tout de suite par les informations nationales. Les informations nationales et internationales. La Corée du Nord entre en guerre contre l'Ukraine et envoie sur les routes son armée de terre. En effet, Tristan, c'est donc hier matin que le cortège militaire nord-coréen a pris la route, composé d'un escadron de 12 mobilettes et de 2 minibus. La puissance asiatique devrait atteindre Kiev d'ici le printemps 2023. On tremble déjà, je crois, partout dans le monde. Effectivement, ça fait le buzz bien plus que Will Smith. Exactement. Les mots russes utilisés dans notre vocabulaire vont être francisés. Les anti-russes ne crieront donc plus « Hourra », mais « Youpi », parce que « Hourra », c'est un mot russe. Oui, j'ai vu ça moi aussi en cherchant. Voilà, ils pourront boire un petit verre d'eau de vie de pommes de terre pour fêter les suppressions des mots russes. Autre exemple, on ne dira plus « Ce vampire a tué un mammouth sur la plage de sable », oui. Mais « Ce mort-vivant hématophage a tué un éléphant laineux sur une plage en matière solide granulaire constituée de petites particules provenant de la désagrégation de matériaux d'origine minérale ou organique. » Et bim ! Qui est finalement assez pratique à dire quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Comme quoi, Poutine n'a qu'à bien se tenir, on est bien d'accord. Oui. L'Union européenne travaille sur un projet ambitieux pour se passer du gaz russe. Oui. L'Union européenne compte mettre le hamster au cœur de sa politique énergétique. Mais encore. Des usines géantes constituées de roues de hamster doivent produire près de 500 TWh. Hein, donc ça va être à peu près la consommation qu'on a en France au niveau du gaz. Évidemment, les hamsters bénéficieront de congés payés et d'une journée de travail qui ne devrait pas excéder 12 heures. Afin que... Et ce sera le droit du travail des Pays-Bas, je crois, puisque ce sera à côté d'Amsterdam. Exactement, bien sûr. Voilà, Amsterdam. Voilà. Tout à fait. Super. On passe tout de suite aux informations locales. Information locale, et là c'est total impro pour remplacer Jocelyn, le tournage de Plus belle la vie s'arrête à la fin de la saison, mais la série va être délocalisée, dans les Vosges en septembre, et elle s'appellera Plus belle l'eau de vie. On passe à la page sport avec la SNL et l'entraîneur de la SNL Albert Cartier qui aurait déclaré le maintien. Oui, j'y crois, James. Effectivement, il a déclaré le maintien, oui, j'y crois, avant de préciser poisson d'avril, ce qui a provoqué l'hilarité des supporters qui sont désormais très très confiants pour l'avenir de la SNL. En national, effectivement. Le relais routier chez Gisèle à Demèvre-sur-Vezouze obtient une étoile au guide Michelin. Oui, effectivement, on l'attendait. Hein. Ça a été la grande délivrance au moment de la consécration pour ce relais. Une grande réception a été organisée avec de la langue de bœuf, avec du pâté lorrain, avec des papillotes. Hein, voilà, on s'est fait plaisir du côté de chez Gisèle, voilà. Et on les salue. On sait qu'ils nous écoutent et le fameux fondant en chocolat de métro en dessert. Exactement. C'est ce qui a fait la touche, je pense, pour avoir la première étoile. C'était un grand bonheur. Enfin, nécrologie avec. On a appris la mort de Rémi Cuny. Hein, on va la garder celle-là, je crois, pour la deuxième partie on d'ailleurs. Peut-être, hein. Oui. Elle était tellement importante cette information. Ça mérite. Je suis allé trop vite. Pardon. On gardera ça pour le deuxième flash info tout à l'heure. On va passer un instant. Merci James déjà. Bah, de rien. Pour ce flash info et on passe tout de suite à la météo. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. La météo. Une météo cocasse, je crois. Hein. Oui, alors j'ai pas l'habitude d'avoir les mouettes qui nous tournent autour comme ça. Et d'ailleurs, les mouettes, elles ont raison d'être là puisque demain, il va neiger. Hein, demain, il va neiger, comme d'habitude, en avril, évidemment. Oui. La neige va nous tomber dessus. On va pouvoir faire des bonhommes de neige en avril et leur mettre des petits chapeaux, des petits... Et quoi de mieux qu'une mouette sur la neige ? C'est vrai, quoi de mieux ? Voilà. Ça me fait penser à ce tableau de... quelqu'un. Oui, ben je crois, Romain, que tu as le nom de ce tableau, non ? Romain est un peintre. Romain est un peintre. Non, je ne sais pas du tout. Alors, on dit toujours oui et on donne la réponse, en fait, dans cette émission. Le peintre, c'est moi, c'est moi-même. C'est toi. Voilà, et Romain, voilà. Romain est un grand peintre. Jocelyn, tu peux rester dormir, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci pour cette météo. On se retrouve tout de suite pour l'éphéméride, puisque c'est l'éphéméride du 31 mars, si je ne m'abuse. Mais avant cela, Bruno Mars, Cardi, Finesse. Drop top Porsche, rollie on my wrist, red. Diamonds up and down my chain. Uh-huh. Cardi B, straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. You see me? It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass, got all them boys cooked. Huh. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. Hey. Bruno Sang, tell me while I do my money dance. Like, hey. Flexing on the gram like, hey. Hit the Lil Jon, okay. Okay. Oh yeah, we dripping the finesse and getting paid. Together. There's a reason why they watch all night long. ça c'est bon, ça c'est Bruno Mars et Cardi B, Finesse. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. C'est pas vrai en plus. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Nous sommes un jeudi 31 mars, n'est-ce pas James? Qu'est-ce qui s'est-tu passé un 31 jeudi? Absolument. Mars. Alors, pas forcément un jeudi, mais savez-vous, aujourd'hui, on est le jour de la pervenche. Hein, c'est officiellement le jour de la pervenche. Oh. Et ça vous parle, Tristan, puisque... Tristan, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai laissé 10 euros à une pervenche très gentille d'ailleurs. Voilà, on a appris beaucoup de choses sur ce domaine. C'est également le 31 mars, le jour de l'inauguration de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui est un monument fabuleux que j'ai pu visiter une fois dans ma vie. C'est vrai, t'as mangé là-haut ou pas? Pas du tout, parce que moi j'ai le vertige, et donc du coup, dès le premier étage, c'était direction le retour en bas pour acheter une petite Tour Eiffel, bien sympathique. C'est également l'anniversaire de gens qui sont vraiment sympas, notamment Descartes, un type avec qui j'ai eu l'occasion de dîner, René Descartes, voilà, c'est quelqu'un. Est-ce que c'est un rapport au fait que tu sois joueur professionnel de poker? Non, pas du tout, c'est plus mon admiration pour la philosophie en général. Et puis qu'est-ce qu'on écoutait? On écoutait un peu de Bach. Hein, voilà, Bach qui est aussi né, Jean-Sébastien Bach. Que tu as connu, je crois, Romain. Romain connaît peut-être dans ses... Tu peintre du temps de Jean-Sébastien Bach. Oui, je l'ai connu durant mon enfance, j'ai grandi avec lui. C'est vrai. J'étais à l'école avec lui aussi. C'était super. C'était plutôt un cancre ou un élève, un bon c'était élève? Un très bon élève, il m'a surtout aidé. Et du coup, bah, grâce à lui... En quoi il t'a aidé? Il m'a surtout aidé dans mon parcours... Sportif. Oh, ah bah Bach était sportif. Romain est un fier sportif. On le voit, il est. C'est vrai que dès que je t'ai vu, je me suis dit, ouh, il a une allure à la Bach, celui-là. Ouais, exactement. Hein? C'est un. Ouais. C'est, ouais, ouais. C'est, les cours reprenons le film. Et donc, évidemment, également, alors là, plutôt pour la mort d'un autre brillant cerveau, celui de Newton. Voilà, il est tombé. J'imagine, puisque c'est Newton. C'est du rapide. Parce que j'avais la chute de Newton. Ouais, t'aimes bien mettre le petit son de la chute de corps, t'aimes beaucoup. Ouais. Mais vas-y, continue, je vais retrouver ma chute. Voilà, donc ça, c'est les gens qui sont nés et morts un 31 mars. Et qu'est-ce qui est aussi le 31 mars? C'est la Saint-Benjamin, hein, la Saint-Benji. Et comme on dit, à la Saint-Benji, mets-toi chez Engie. Voilà, ou chez eux, exactement. Et on a retrouvé la chute de corps de Newton. Exactement. Voilà. Et on doit aussi citer d'autres marques Engie, j'imagine, pour Engie, EDF, GDF. Voilà, c'est bon. Oui, très bien. Merci beaucoup pour cet éphéméride. Sans plus attendre, et parce qu'on a un invité spécial, c'est Romain. Rebonjour Romain. Romain, tu es né sous le signe du Taureau. Et juste après une bonne claque de Will Smith, on va pouvoir te faire ton horoscope. À tout de suite, reste bien là. Will Smith, Miami. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the sun where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, fully equipped, and they be screaming out. Here. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game melting pot. I hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas, with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cashing your dough and flow to this fashion show, pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this, and if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami, where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Get me wrong, Chi-Town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep, and we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the sneak, Miami bringing heat for real, y'all don't understand, I never seen so many Dominican women with sentiment tans, mira, this is the plan, take a walk on the beach, draw a heart in the sand, give me your hand, damn, you look sexy, let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees, cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach, water so clear, you can see to the bottom, $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Will Smith, Miami. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. L'horoscope de 18h sur Fadjet. Moment sacré s'il en est de l'émission de la matinale de 18h, l'horoscope, et nous venons d'apprendre à Romain qui était Jean-Sébastien Bach. Voilà, est-ce que cette musique-là, ça te parle ? Oui, je la connais. Eh ben voilà, donc tu connaissais Jean-Sébastien Bach, et donc on va avoir le droit de te faire ton horoscope. Et tu es taureau, tu nous as dit. Oui, c'est ça. Voilà, alors, selon l'Est République, en taureau, au niveau travail, rien de décisif ni de définitif. En même temps, depuis que tu es là, c'est vrai que tu ne savais pas du tout à quoi t'attendre par rapport à ton stage, hein, puisqu'on rappelle, tu es stagiaire à Fadjet, oui, et tu t'attendais à rien de particulier aujourd'hui. Ouais, je m'attendais pas à ça. Voilà, ouais. Donc on est... Oui, oui, mais ça va aller très vite pour toi, tu sais. Là, ça, c'est le début. Hein. Mais ouais. D'ici fin de semaine, tu vas signer un contrat à Fadjet. Alors, deux semaines plus tard, on part sur du Energy. Hein. Energy voilà. Va t'écouter, il va dire, oh ouais, ce Robin, il a quelque chose. Bam, on part sur Energy. Et c'est là qui c'est fort, je te coupe, hein, je me permets. Vas-y, parce que la phrase suivante, c'est simplement des projets qui pourraient déboucher sur du concret. Mais voilà. Wow. Et voilà, et après, ça part directement à la télé. Et après, ouais. Les Oscars de l'année prochaine, c'est toi qui vas prendre une tarte dans la, ouais. Dans la figure l'année prochaine. Parce que tu y seras aux Oscars. Voilà. Amour, attention. Votre franchise dénuée de tact et votre impulsivité risquent de faire le vide autour de vous. Alors, c'est là où tu m'as dit, puisque je te l'ai fait entendre tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'as pas du tout compris cette phrase. C'est bien ça. Hein. Et j'ai pas compris. Non. Voilà. Alors, en fait, même. Oui, vas-y. En fait, pour expliquer voilà. Très clairement, imagine. T'as une meuf, t'as une copine ou pas du tout ? Non, j'en ai pas. Là. T'en as pas. D'accord. Imagine, il y a la fille que tu cherches à conquérir, voilà. À pécho, comme on dit c'est de ça. Nos jours. Voilà, elle est en face de toi. Le problème, c'est que tu vas être un peu trop franc. Tu vas lui dire directement... T'es bonne. J'aimerais bien, s'il te plaît, te pécho. Voilà. Et elle va se braquer, parce que t'as été trop franc, tu vois. Ta franchise dénuée de tact et ton impulsivité risque de faire le tour... Le vide autour de toi. C'est-à-dire voilà, qu'elle c'est va ça. Se barrer en fait. C'est-à-dire que tu seras fort. Voilà. Plein de filles autour de toi et comme tu vas dire la vérité, waouh, et ben elles vont partir et tu vas faire le vide voilà. Autour de toi. Mais soyons honnêtes, maintenant que t'es passé sur Fadjet, c'est terminé tout ça. Le temps où c'était toi qui courais après les filles, c'est fini. Ta vie maintenant, va tu vois, voilà, c'est. Ah, j'espère. Hein. En plus, je suis vraiment comme ça. Moi, je suis cash. Hein. Mais ben oui. Ah bon, non, bah, mais voilà. Genre, oh, c'est scientifiquement prouvé ouais. Hein, l'horoscope. Alors, la santé, elle est comment toi ce matin ? Bah moi, je vais bien. Tu fais du sport. Bien, mais pas trop. Oui, je fais du sport, j'ai jamais eu le Covid. Donc, ouais, ouais. T'as jamais eu le Covid ? Non, wow. Deux ans, non. Impressionnant. Ouais, t'as rien vécu, quoi, en fait. Ah ouais. Ça. Ouais, ok. Donc, tu vas bien, mais pas trop quand même. D'où, voilà, et ben voilà, voilà. Santé moyenne. On y est. Ah ouais, voilà, c'est, tout est dit. Assez évident. Je ne comprends pas les gens qui ne croient pas, hein, comme ça qu'on parle, sur qui le. Qui croient. Qui ne croient pas. Qui ne croient pas les horoscopes. Croyez les horoscopes. Croyez-les. Ah oui, bah oui, croyez, mmh. ça existe. Bon. Voilà. J'espère que on t'aura enrichi de tout cela. L'invité politique, c'est juste après. C'est juste après. Et tenez-vous bien. Puisque l'invité politique, on peut le dire, c'est. En fait, c'est la star des contraventions. C'est l'homme qui a le record du nombre de contraventions mises en France. Et on l'a rencontré il n'y a pas moins d'une heure et c'est véridique. Et ça m'a coûté 10 euros. Un grand classique. Nena, 99 Luftball. Nena, 99 Luftballons. L'invité politique de 18h sur Fadjet. En direct des studios de Fadjet, nous avons Pêche. show, Romain et moi, Régis Thor, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Merci de me recevoir. Oui. Vous pouvez nous rappeler votre métier, s'il vous plaît, Régis ? Bien, je suis agent de la sécurité publique, c'est-à-dire que je suis en charge d'adresser des contraventions aux gens qui sont mal garés, aux gens qui sont garés de manière dangereuse et à toute autre personne qui gêne le stationnement de manière générale. Alors, de manière générale, oui et non, parce que, mettons tout de suite les pieds dans le plat, vous n'alignez pas les gens qui sont trop mal garés. Alors, voilà, effectivement, si, moi, je contraventionne les gens qui n'ont pas payé. Voilà. Par contre, si vous êtes mal garé, par exemple, garé au plein milieu de la route, voilà. Moi, je ne peux rien faire. Voilà. Là, ça sort de ma juridiction. Par contre, j'ai des collègues, voilà, moi, j'ai les bras longs, hein, comme on dit, je suis quand même la star du milieu. Je peux appeler mes amis de la maréchaussée. Très bien. Ils arrivent et ils font sauter votre bagnole. Hein, donc, moi, je vous préviens tout de suite. Donc, un petit conseil que vous pouvez donner à nos auditeurs, surtout si vous n'avez pas envie de payer votre place, garez-vous mal. Alors, il y a quand même beaucoup moins de chances d'avoir un pain. Je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire, mais moi, il est hors de question que je dise ce genre de choses. Pour moi, bien se garer, c'est bien vivre. Et bien vivre, c'est bien se garer. Oui, donc du coup, je refuse de dire des choses pareilles. Mais cela dit, il est vrai qu'il vaut mieux se garer à cheval sur le trottoir plutôt que se garer sur une place payante sans payer. Sans payer, voilà, voilà. Non, mais je comprends bien que vous êtes lié avec un contrat de travail et que votre employeur vous impose... Ah, c'est plus que ça. Non, c'est plus que ça. C'est une éthique. C'est une façon de vivre. Éthique. Vous voyez, nous autres, les contraventionneurs, comment oui. on s'appelle ? Oui, les pervencheurs. Voilà, les pervencheurs. On s'appelle les contraventionneurs. Oh là là. Eh bien, écoutez, nous vivons par une règle simple, qui est... 20 centimètres. pardon, excusez-moi, ça ne me fait pas rire du tout. C'était l'anecdote de Rodolphe, pardon. D'accord. Et du coup, nous sommes une belle équipe. Nous travaillons très très dur pour vous donner des contraventions. C'est vrai, parce que dès 10h du matin, vous étiez déjà à travailler. Exactement. Moi, parfois, j'attends tapis dans un buisson... que quelqu'un sorte de sa voiture et le temps qu'il aille payer jusqu'au parc-mètre, je sors, je lui mets sa contravention, il revient avec le ticket, il me dit « mais j'avais payé, oui. le temps oui. que je fasse ». Je lui dis « non monsieur, vous avez été 20 secondes en contravention, c'est bien trop ». Et ça m'a coûté 10 euros, merci Exactement. Beaucoup, c'est pour ça que je vous ai fait monter dans les locaux de Fadjet. Merci, est-ce que je peux prendre un café en descendant peut-être ? Oui, 10 euros. Ah. Merci Régis Thor pour cette intervention qui d'ailleurs n'était pas totalement dénudée de vérité. Il faut le rappeler, bien qu'on soit à la matinale de 18h et qu'on dira n'importe quoi à la matinale de 18h, je ne cesserai jamais de le répéter, n'est-ce pas Romain ? C'est vrai. Merci, voilà. Et d'ailleurs, je viens de revenir là sur mon siège, là, j'ai croisé Régis en montant dans les escaliers, parce que moi j'étais parti, et il a déjà repris, et je crois qu'il t'a remis une contravention Tristan, ah, bah oui, parce une deuxième. En fait, le pain, il dure que 2 heures, et si tu ne remets pas d'argent, enfin bref. Ouais. On passe tout de suite à notre fil rouge. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. Serge Fula, Serge, je crois que vous êtes en direct de la place Carnot. Oui, voilà Tristan, bonjour. Alors, Tristan, je suis, comme vous le savez, la foire attractive de Nancy va commencer là bientôt, demain en fait. Oui, parce que... Je suis au cours d'une enquête, une grande enquête là, j'ai des soupçons qu'il y aurait un trafic hein, de barbapapa. Dans la foire attractive de Nancy. Et voilà, je suis dans une enquête. Alors, vous êtes peut-être étonné d'entendre autour de moi, mais c'est-à-dire que je me suis caché dans le train fantôme. C'est ça qu'on entend derrière. Voilà, c'est ça. Je suis caché dans le train fantôme parce que j'ai l'impression que mon investigation gêne. Hein, elle gêne énormément du côté de la place Carnot. Alors voilà, je n'ai pas encore beaucoup d'informations à vous donner. Simplement, je reviendrai vers vous plus tard pour. Que là, ça s'éternise et c'est creux, totalement creux. Non. D'accord, mais bientôt, j'aurai des éléments importants à vous donner. Hein, ne vous inquiétez pas. Merci. Voilà. On se retrouvera après le journal. Il y a un loup-garou. Prenez soin de vous. On se retrouve après Ozone Dragostea Dintei pour le journal. My Sunt eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei, numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei, numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya. Ozon, dragostea din tei. La matinale de 18h, l'émission qui vous réveille sur Fadjet. Il est presque ou un peu plus que 18h30, c'est le journal, le deuxième Flash Info présenté par James et Bibi. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales. Afghanistan, les talibans seraient-ils misogynes ? La réponse est non, Tristan, puisqu'un sondage a été fait auprès des talibans cette semaine qui pose la question qui fâche, êtes-vous misogyne ? Mmh. Et les talibans ont répondu à 61%, ben non, pourquoi ? Voilà, qui tord le cou à un vilain préjugé. Oui, je crois que d'ailleurs, ces résultats ont été officialisés hein, par le Conseil constitutionnel des talibans. Absolument, oui. Oui, très bien. C'est officiel. Une vidéo de Vladimir Poutine caressant un chaton a attendri Joe Biden. Non, Tristan, non, c'est une petite coquille peut-être dans vos fiches. Peut-être. C'est l'inverse, c'est une vidéo de Poutine qui caresse Biden qui a attendri un chat. Hein, c'est différent. Ok, pardon. Hein, donc dans cette vidéo, on voit le président russe se frotter contre le président américain et les deux hommes ronronner ensemble. Ça s'est passé où ? C'était au Kremlin. C'était au Kremlin. Au Kremlin, bien sûr, oui. Très bien, d'accord. Dans une petite, sur un petit. On passera sur la page Fadjet cette vidéo qui était classée top secret, mais c'est une exclusivité. Nous l'avons obtenue. Absolument. Le vol Air France Cayenne-Paris, on estime entre 10 et 30 personnes le nombre de passagers ne transportant pas de drogue. Et oui, ce sont plus de 400 kilos de cocaïne qui n'ont pas pu être livrés à cause de ces personnes-là. Les passagers ont été immédiatement interpellés à la sortie de l'aéroport par le cartel et ils ont été entendus. La plupart d'entre eux plaident le simple oubli. c'est un peu trop facile. Oui, c'est un peu trop facile, évidemment. Très bien, merci. On passe tout de suite aux informations locales. Et je reviens sur cette information que j'avais un petit peu abordée au premier Flash Info. On a appris la mort de Rémi Cuny hier à l'EHPAD de Badonvillé. Absolument, il est mort hier dans le dénuement le plus total et c'est avec grande tristesse que nous vous l'annonçons sur Fadjet aujourd'hui. Qui était Rémi Cuny? Vous l'avez connu, je crois, Romain. C'était un très bon joueur de basket. C'était un très bon joueur de basket, effectivement, au XXe siècle. Exactement, qui a joué à Nancy. Exactement, et il était toujours dans l'équipe de l'EHPAD qui avait gagné qui avait gagné contre Maxéville récemment. Étais sur le terrain, je crois. Et j'ai perdu face à lui, c'était très en tristesse. En un contre un. Exactement. Avec la faute dessus de plus un. Voilà. Exactement. Merci pour cette page nécrologie. Un bar de Nancy fait payer les feuilles de PQ que les clients utilisent. Absolument. Et ils ont même créé une formule où à chaque article du menu est lié une consommation en papier toilette. Par exemple, vous pouvez choisir la formule un Perrier plus deux feuilles. Ou également la formule planche apéro plus 3 feuilles, ceci afin de lutter contre le gaspillage de papier toilette. Merci. Sans plus attendre, la commune de Séchamps, rebaptisée Séchiant par ses habitants. Le maire réagit. Effectivement, le maire réagit, il a poussé une grosse colère. Il a déclaré à nos amis de l'AFP que c'est pas vrai d'abord. Et avant de claquer la porte de son bureau. Je crois qu'on l'a au téléphone. Voilà, c'était le maire de Séchamps. Poignant. Oui. Merci pour ce flash et dernier flash info de la matinale de 18h, James. On passe tout de suite à la météo. La météo. Une météo en quinconce, je crois. Une météo en quinconce, une météo, j'ai envie de dire, presque bordelaise, puisque on est à Nancy, mais on a des petits relents de l'ouest qui viennent vers nous par le vent, par l'ambiance. L'orbite de Spoutnik, on peut le dire. Exactement. Et finalement, c'est un temps qui, même s'il est froid ou chaud, nous permettra tous d'être heureux ensemble et de vivre en communauté, en communion. Et de s'aimer les uns les autres. C'est ça qui est le plus important et c'est à ça que sert la météo. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui au niveau du temps. Merci. Je n'ai rien à rajouter. Si ce n'est, on se retrouve pour l'émission phare Les Grosses Fesses. C'est juste après Chaka Ponk. Un péqué. Hey ma'am, it's not gonna work. It has nothing to do with you. I'm sorry. It's me. The thing is, I'm picky. And all the girl, I drive him crazy. I drive him crazy cause I'm sexy. They call me sexy cause I'm hot. Catch my mouth. Don't you know why I'm so hot? Cause I am picky. And everything is in the lag. Like a man, do your thing. Make you scream my name. Honey, honey, hold, that's the goal. Make you wonder why I'm cold and distant. I'm cold and distant. remember me and all the girls are driving crazy. I'm driving crazy cause I'm lazy. I don't give a damn, you know I'm fucking lazy. I don't give a damn. I'm picky cause I'm all alone. And baby I'm alone cause I'm a picky one. I got a lot of girls waiting for me not to call. And on a Sunday morning on my own. And maybe I'm too good for you. I'm picky. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Et on retrouve Serge Fula. Serge, vous êtes toujours sur votre enquête de trafic de Barbe à Papa. Vous êtes où actuellement, Serge? Alors, je suis au 8 à 8, qui est juste à côté de la place Carnot. Alors, vous allez me dire pourquoi je suis là. Bah oui, pourquoi? Bon, alors, il y a deux raisons. C'est que ma femme m'a demandé de ramener un paquet de pâtes, parce que c'est vrai qu'on n'a plus de pâtes chez nous. Et la deuxième raison, c'est que je voulais en fait regarder les ingrédients qu'il y a dans une Barbe à Papa. Hein. J'ai fait vraiment une enquête sur ce trafic de Barbe à Papa. Et... Non, allez-y. On n'aura pas le réponse. Oui, excuse-moi. Non, mais je ne peux pas vous laisser passer pendant la caisse. Cherche pas. Oui. Allez-y, terminé. Non, je vais payer par carte. S'il ouais, vous plaît. Ok, d'accord. Oui, non, alors, donc, du coup, je vous coupe, je suis au niveau des ingrédients. Non, excusez-moi. Alors, allez-y. Alors, en fait, j'ai remarqué que les ingrédients de la Barbe à Papa ne se trouvent pas au 8 à 8 à côté. Ça veut dire que les forains se fournissent ailleurs que d'accord. ici. D'accord. Merci. Hein, merci voilà. pour cette info. Peut-être ou pas. On vous retrouvera d'ici la fin de l'émission. Serge, mais amenez-nous du lourd, merci. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Bienvenue sur cette émission des grosses fesses avec autour de cette table James et Romain. Comment allez-vous, James et Romain? Ouais, on va bien. On va très bien. Et ben voilà. Et on est chaud. Sans plus attendre, mais on va passer à la phase questions parce qu'il y a énormément de questions par rapport à l'actualité qui est riche, hein, qui est riche ces temps-ci. Ah bah ça, oui. Hein. Oui. Contrairement à nous. Alors on va rentrer tout de suite dans la géopolitique avec qui va rencontrer Vladimir Poutine cette semaine. Ah d'accord, est-ce que c'est une rencontre de sport de... On peut appeler ça du sport, ouais, on peut appeler ça du sport, mais pas pour lui, enfin je veux dire ça va faire mal pour lui. Ah d'accord, donc est-ce que ça serait pas un judoka, genre Teddy Riner? Alors c'est marrant que vous disiez judoka parce que c'est une pratique qui est pas super loin du judoka quoi. Alors si je vais vous mettre sur la voie... Vladimir Poutine a fait une allusion plus ou moins intéressante sur les cheveux de la femme de cette personne en question qui va venir. D'accord, je crois que je vois qui c'est. Il a fait une blague sur la femme de Will Smith. Et Will Smith va aller jusqu'à Moscou pour lui foutre une tarte. C'est ça, tout à fait. Mais oui, très fort. Exactement. Donc c'est prévu là qu'il parte en jet, puisque l'information, la blague vient juste d'être prononcée par Vladimir Poutine. Et notre émissaire Serge Fula, qui est à Hollywood, nous a dit qu'il venait d'y avoir un jet qui venait de décoller de Hollywood pour le Kremlin. On a vu un grand noir en train de se frotter les mains, donc c'est forcément Will Smith. On attend la suite puisque nous avons Romain qui est aussi directement sur le Kremlin et qui attend l'arrivée du fameux jet. Voilà, c'est affaire à suivre là-dessus. Ah, alors là, je vais baisser un peu la musique parce que c'est une question auditive. J'adore les questions auditives. Vous allez devoir reconnaître la personne qui a derrière ce test, ce son. Je peux vous le repasser. Attendez, c'est pas le maire de Séchamps qu'on a entendu tout à l'heure? Ah non, il y a une petite variante. Ah, il y a une variante. Il y a une petite variante. Il y a une petite variante. Alors, je vais vous mettre sur la voie. On est en sport. C'est du sport. Mmh. Et on n'est pas en France. Ah d'accord, parce que moi j'étais parti sur un supporter de la SNL. Alors c'est marrant parce que c'est du foot. Ah d'accord. C'est du foot. Ok. Mais c'est une équipe nationale. Voilà, voilà. C'est le capital d'une équipe nationale en foot. Voilà, on l'a entendu. Ça fait quoi ? C'est une petite semaine qu'on on l'a entendu. Tu suis le foot un peu, Romain, ou pas ? Pas trop. Ah, pas trop. Il est plus basket, Romain. Ah, quel dommage. Attends, le capitaine... C'est dans une botte, le pays ? Ah, c'est le capitaine de l'Italie. De l'Italie. Le capitaine de l'Italie. Et pourquoi ? Parce que l'Italie est éliminée de la Coupe du Monde 2022. Elle ne s'est pas qualifiée. Contre la Macédoine. La Macédoine, capitale Skopje. Et là, juste au moment du but, le capitaine de l'équipe d'Italie... C'est vrai que d'ailleurs on entend un petit peu l'accent italien, hein. ça sent Venise, ça sent un peu Milan, ça sent les pâtes exactement, ça sent les pâtes, ça sent la bolognaise. Voilà. Ça sent le... Et enfin dernière question totalement historique, alors il faut bien se retransposer il y a 70 ans, c'est le premier enregistrement de cette personne célèbre. Oh, c'est tout mignon hein. Ah bah oui, c'est tout mignon. Il y a 70 ans. Ouais. Et il est plus très mignon ces temps-ci maintenant. Est-ce que ce ne serait pas... Ah donc c'est une personne qui était bébé il y a 70 ans, oui. Donc j'imagine qu'elle a à peu près 70 ans. Oui. Voilà, donc on part sur des déductions logiques, hein. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc quelqu'un qui a 70 ans... Vous avez reconnu, si vous écoutez bien, il y a un accent. Ah mais oui. Vous l'avez ? Oui. Cet accent ? Oui, je vois un petit peu. J'ai envie de dire que ça sent un petit peu la froideur, ça sent le. C'est ça. Hein, côté ça slave. Sent. Oui, voilà, un petit côté slave, effectivement. Tout à fait. Je pense que c'est Vladimir Poutine. Bravo ! Ah, c'est ça. Bravo, on l'a. Oui, c'est vrai qu'on c'est l'entend. C'est le premier enregistrement de Vladimir Poutine. C'est vrai. Et on sentait son côté autoritaire déjà. Oui, hein, énervant. Je pense que. Oui, non, il fallait pas l'embêter. Si on lui enlevait sa tétine, il annexait directement une salle de la maison. On l'appelait d'ailleurs Vladimir Tétine à l'époque. C'est vrai, effectivement. Voilà. Toujours une exclusivité Fadjet, bien évidemment. C'est déjà la fin de notre émission des grosses fesses. Merci Romain de tes interventions. Bah de rien, c'était un plaisir. C'est un plaisir. Tout de suite, d'ailleurs, on va recevoir deux invités showbiz. Donc des un groupe. Invités showbiz, ouais. Puisqu'il y a un S. Showbiz S. À la fin. MC Sopalin et MC. Et Je suis tout. Mais ça, c'est tout de suite après que je me trompe pas, Mylène Farmer. A tout de suite. Je suis un garçon, et pour un empire, je ne veux me dire. Mylène Farmer, sans contrefaçon. La matinale de 18h. C'est l'invité showbiz de 18h sur Fadjet. Un invité showbiz, que dis-je, un invité des invités showbizes, puisque nous recevons, bonjour, je suis tout. Eh bien bonjour. Votre nom de scène, hein, rappeur... Multirappeur. Excusez-moi. Multirappeur, vous allez nous dire après la définition de multirappeur. Et vous êtes venu avec votre producteur, MC Sopalin. Bonjour, MC Sopalin. Salut à tous. Salut, Fadjet. Pensez bien à partir dans le micro. Ah, pardon. Ah oui, non, ça change rien, en fait. Non, okay. C'est pas ça. Ouais, d'accord, c'est... ok. C'est votre voix c'est, qui j'ai est la voix complètement... Sur... J'ai la voix Sopalin. Oui, je... d'accord. Oui, j'aurais Sopalin. Pas dit... Oui, voilà, c'est ça. Alors, multirappeur, pourquoi multirappeur, MC... je suis tout. Parce que je suis tout. Voilà, oui. Je fais tout ce Est-ce que toutes vous sortes êtes... de musique. Ah, toutes sortes de musique. D'où le nom, je suis tout, aka multirappeur. D'accord, vous faites aussi du Jean-Sébastien Bach. Oui, je fais vraiment tout. D'accord. Je m'inspire des plus grands, notamment d'une grande célébrité que j'aime bien, Rémi Gaillard. Rémi Gaillard. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. D'accord, mais on est d'accord c'est un que... peu, c'est un peu ça, c'est le titre de son premier album. Hein, c'est moi qui l'ai produit, il m'a rapporté énormément. C'est moi qui l'a produit, excusez-moi, ouais, on est rappeur. C'est moi qui l'avons produit. Oui. Et en fait, le truc, c'est qu'il a rapporté beaucoup. Et que c'est quelque chose qui a beaucoup cartonné. C'est quelque chose qui est dans les bacs, dans les Jean-Sébastien Bach. Quand vous dites que ça a beaucoup cartonné, est-ce que c'est un rapport avec les cartons? Non, parce que moi, c'est MC Sopalin. Ah, et oui, tu d'accord. Suis quoi? Non, pardon, MC Sopalin. Donc ça okay. veut dire que voilà, on est vraiment. C'est du, voilà, c'est du sérieux. Je suis tout. Et pas j'essuie tout, tu vois. C'est voilà, on est là-dessus. Mmh, ah, d'accord. C'est du son. L'autre, ouais. Tu lui dis un truc, bam, il te fait un son, tu vois. C'est ça le truc. Oui, pardon, excusez-moi. Je reprends la parole. Juste une question à Je suis tout. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation que vous avez avec l'interprète Dirty Dancing, puisque je crois que vous avez commencé une relation plus qu'amicale, on va dire ça comme ça, avec Dirty Dancing, qui est, on le répète, hein, une rappeuse en grand devenir. Oui, c'est ça, une grande rappeuse, une relation qui est en ce moment amicale, on verra dans le futur. Ah, elle n'est que amicale. J'avais cru comprendre ouais, que. En fait, le truc, c'est qu'il essaye de la pécho, t'as vu oui. Et maintenant qu'il a bien lu son horoscope, il sait que ça va bien se passer, quoi. Oui, c'est ça, effectivement. C'est par rapport à l'horoscope que vous vous dites que ça peut être plus qu'amical, c'est cela? Exactement. Très bien. On va revenir maintenant sur ce qui nous amène, c'est-à-dire l'événement phare de cette semaine pour vous, je sais tout, à savoir ce concert à l'EHPAD de Bayon. Qui va se passer comment? Vous pouvez nous en parler peut-être? Ou alors votre producteur, puisque c'est vous qui organisez? Bah en fait, si tu veux, c'est un gros concert. C'est à l'EHPAD de Bayon, oui. T'as dit ce qu'il fallait, c'est bien. Le truc, c'est que c'est en hommage à la mort de Rémi Cuny. Hein, on salue. Qu'on salue. Ouais, donc il y aura d'abord un match de basket caritatif. Il faut savoir, effectivement, il faut rappeler que Rémi Cuny était un très grand basketteur. Un basketteur, voilà. Ouais. Et donc, en fait, je sais tout, il va jouer au basket, hein, parce qu'il sait faire tout. Il fait tout. C'est d'accord. Aussi, je fais tout. Ah oui, d'accord. Et il joue bien au basket. Ok. Tac, tac, tac, hop, petit panier, tranquille. Puis après, il fait quoi? Il fait un petit concert, multi-rap, tranquille. Ça okay. passe direct, ça très passe bien. Crème. Est-ce que ça passe crème, comme vous dites, dans votre jargon, avec des gens de plus de 80 ans? Tout passe crème. Car tout je passe suis crème. Tout, multi-rappeur. Et vous d'accord. tout. D'accord. Donc ah, vous appliquez aussi de la crème, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. C'est du velours pour les oreilles et même, voilà. même des seniors. Voilà. Même de nos aînés. T'as vu? Ou de vos aînés. Oui, oui, bien sûr. De nos aînés. Je vois c'est vos aussi, aînés. C'est mes aînés, c'est tes aînés. C'est oui, les aînés de tout le monde. Je vois les aînés. Mon tranquille. Aîné. Oui, oui, oui, ouais. oui. Moi-même, j'ai des aînés. Voilà. C'est dire. Oui, oui. Merci beaucoup. On rappelle ce spectacle à l'EHPAD de Bayon de 16h30 à 17h30. C'est le match. Après, il y a le spectacle. Ça ah, va pardon. jusque 2h du mat et tout. Tranquille. Il y a du velouté de tomates. Il y aura du velouté de poireaux. Il y aura la tisane et tout. Enfin, il y aura tout ce qu'il faut. Hein. Très bien, très bien, très bien. Bah, avec modération, cependant. Oui, oui, je crois. Je comprends bien. Et bah, d'ailleurs, je pense que le mieux, c'est de passer une chanson de votre d'une personne que vous avez formée et qui vous doit tout, en fait. Hein, c'est l'homme pâle. L'homme pâle, les yeux grises. A tout de suite pour la fin de cette émission. Recharge mes batteries, j'ai besoin de ton regard. Recharge mes batteries, recharge mes batteries. Enchanté Antoine, je brise les rêves et les cœurs, mais j'ai un bon fond, promis. Je voulais plus d'air, plus de distance, j'en ai juste un peu trop mis. Assis ensemble sans se dire un seul mot dans le trauma. Je pouvais devenir un artiste, alors je l'ai fait. Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus et mes excuses n'avaient plus un seul effet. Aïe, attention à ce que les cerveaux agités promettent. J'ai déjà menti, oui, mais le jour où je lui ai dit que j'étais honnête. Aïe, je parle trop souvent de ma musique, ça a peut-être un peu empiété. Je lui ai dit qu'elle était pas unique, ce soir elle dort avec sa fierté. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe, aïe, je l'ai touché dans le cœur. Aïe, aïe, je l'ai touché dans le cœur. Aïe, aïe, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. L'image de soi-même c'est précieux. Quelques doutes et mes démons revenaient. Elle est belle mais si je regarde ses yeux, c'est peut-être juste pour y voir mon reflet. On a marché sans se dire un mot pendant des heures à Paris. Pendant des heures à Paris. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Elle est irremplaçable mais je m'en rendrai compte seulement quand elle sera partie. Quand elle sera partie. On profite jamais de ce qu'on a, non. J'ai cherché la réponse en fixant le plafond jusqu'à 5 heures. Le genre de problème qui casse un cœur. Merde. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. Dieu dise le contraire, ses yeux disent le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe, aïe, je l'ai touché dans le cœur. Aïe, aïe, je l'ai touché dans le cœur. Aïe, aïe. L'homme pâle, l'homme pâle, les yeux disent. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. Le jeu auditeur avec le cabas de Fadjet a gagné et tout de suite un auditeur avec Jocelyn. Jocelyn, vous êtes bien avec nous ? Ah, je viens de me réveiller là. Ah, vous vous réveillez ? Ah, je viens de me réveiller. quelle chance on a de vous appeler juste au moment où vous réveillez parce que. Enfin, quelle chance pour vous peut-être si vous connaissez le contenu. C'est pour le cabas. C'est pour le cabas, ouais, c'est pour le cabas. Ok, ok. Oui. Est-ce que vous savez le contenu du cabas ? Alors, il y a du gel hydroalcoolique, je crois. Ça, je pense que c'est ce qui vous a fait vous réveiller très tard ce matin. Hein. Ouais, en fait, il n'y avait pas de gel et pas d'hydro, mais ouais. Il n'y a pas ça, il y a déjà un montant en roubles. Ah oui, oui. Je vous mets sur la piste. 100 000 roubles. Alors, 100 000 roubles, 100 000 ouais, effectivement. Roubles. Oui, 100 000 roubles, oui. Oui, oui, oui. 2,81 €. Oui. Et après, il y a trois éléments en plus. Est-ce que ça a à voir avec un conte pour enfants ? Alors, c'est fou ce que vous dites là, parce que effectivement, un conte. Alors un conte, mais C-O-M-P-T-E. Ah. Un conte pour enfants, parce que effectivement, enfin c'est. Alors, parce que moi je pensais à ouais. Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf, les trois petits cochons. Et non, malheureusement, non, non, non, non, non, non, vous allez pouvoir vous rendormir. Non, non, non, il y avait une gourde en forme d'écureuil. C'est pour ça que je pensais conte pour, en plus pour enfants, le conte écureuil. Donné par votre partenaire. Voilà, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et un sac de croquettes, la moustache de François, et puis il y avait aussi un Minitel. Quel dommage, Jocelyn. Oh, je vais me recoucher. Vous allez vous recoucher je pense qu'on vous rappellera peut-être pour la prochaine émission. Ouais, bah, ou pas. Ouais, ou ouais. Pas. Ou pas. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci. On passe tout de suite à la fin de l'émission, à la toute fin même. Puisque c'est le générique de fin de cette émission, un grand merci. Je peux mettre des applaudissements, je vais le faire. Je fais comme ça pour remercier Romain d'avoir dépanné, d'avoir remplacé Jocelyn qui vient juste de se réveiller et qui pensait que c'était demain l'enregistrement. Voilà, je balance tout. Ah bah oui, là, c'est les dessous de l'émission, là. Et Romain, tu as vraiment assuré, très beau stagiaire, s'il en est. Ah, merci en tout cas. C'était un plaisir d'être avec vous, c'était cool. J'ai bien aimé. Et si tes encadrants nous écoutent, ça part direct sur la meilleure dot ou sur le sur la promotion pour Romain, je pense. Voilà. Le mot pour la fin, le mot de la fin, c'est pour toi, Romain. On te laisse finir cette émission avec le mot de la fin. Et en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette émission et je vous dis à la prochaine. Et voilà. Mettez vos manteaux pour demain, car il neige. Et ton match, c'est quand ce week-end? C'est avec les Lynx de Maxéville basket. C'est contre les Lakers. Contre les Lakers et c'est à la salle des fêtes à domicile de Champignol. Super. Ça va être une victoire facile. Je pense oui. Le Vengeance, pas très fort. Allez, ciao tout le monde. À très bientôt pour une prochaine de la matinale de 18h. Ciao. Bisous. Bisous. J'adore vos bisous.